des livres qui sont faits du début jusqu'à la fin par vous. Oui. Oui. Et ce sont de vraies œuvres d'art. Œuvres d'art, bon, nous, c'est pas de nous de le dire, mais c'est vrai que c'est un travail vraiment artisanal et un travail de sur-mesure, un petit peu comme un couturier finalement. Parce qu'il y a l'idée de départ, il y a après les images qu'on fait au fur et à mesure et où on progresse. Et il y a après l'ensemble du livre, on essaie vraiment de le travailler dans le graphisme au maximum pour qu'il nous plaise, on est très exigeant, mais pour aussi que le public rentre dans le livre comme dans un film. Et puisse rêver, même avec le graphisme, autant qu'avec les images, en fait. À savoir qu'en fait, notre premier métier, c'est pas l'illustration. On est graphistes tous les deux avec Karine depuis pas mal d'années déjà. Et pour nous, un livre, c'est un objet complet, en fait. C'est pas des livres de commande. Même le livre de Pierre n'était pas un livre de commande. On l'a vraiment fait, là, pour le coup, à six mains, même si c'est lui qui a tout écrit. On conçoit l'objet dans son ensemble, que ce soit la mise en page, le choix typographique, les grilles typographiques, le découpage des textes, le format du livre... Notre éditeur nous fait confiance et dit qu'on est vraiment super pointilleux, quoi. Une partie de ce pavé est en numérique. Est-ce une autre piste pour continuer l'aventure ? Ouais, une partie du livre est en numérique parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est graphiste. L'illustration nous fascine, la mise en page nous fascine et le numérique nous fascine aussi. Et pour nous, c'était une suite logique, mais c'était une suite logique qui devait respecter le livre papier. Puisque c'est un complément. C'est pour ça qu'on a fait vraiment une adaptation très proche du livre papier, où on a intégré quelques animations et surtout le vrai plus qui, je pense, sur ce livre-là, était important. C'est qu'en fait, Pierre compte son compte sur tout l'ouvrage, en fait, de page à page. Donc on retrouve le talent de conteur de Pierre et il est assez grand, en fait. Une partie de vos dédicaces, expositions, rencontres se passe en Bretagne. Une nouvelle enquête en cours ? Il y en a une, oui, bien sûr. Oui, il y en a beaucoup, même. Qu'il faut qu'on planifie et qu'on concrétise, en mais fait. Mais qui se passe pas en Bretagne. Mais elle est partie beaucoup plus loin. Pas en Bretagne, oui. Blackmore a fait le tour du monde et a décidé de revenir, enfin, je parle du Blackmore, de mon homonyme, a décidé de revenir à Londres, c'est pas pour rien, mais il suffit juste de regarder les destinations qu'on peut trouver au port de Liverpool pour savoir où est-ce qu'il va partir sur la suite, en fait. Très bien, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Bah, merci à vous. Merci.